Aspect général. L'âge de la personne. Il est adolescent. Il est jeune. Il est vieux. La taille. Il est courteau. Il est trapu. Il est haut. La masse. Il est mince. Il est gros. Il est ventru. Il est obèse. Il est corpulent. Il est longiligne. L'attitude. Il est leste. Il est souple. Il est gracieux. Il est prompt. Le visage. Le visage est maigre. Le visage est osseux. Le visage est ridé. Le visage est lisse. Le visage est rectangulaire. Sa forme. Le visage est ovale. Le visage est carré. Le visage est arrondi. Le teint. Le teint est blanc. Le teint est brun. Le teint est rose. Le teint est injecté de sang. Le teint est bronzé. Le teint est blême. La physionomie. Il est gai. Il est triste. Il est froide. Il est souriante. Les cheveux. Les cheveux sont châtains. Les cheveux sont roux. Les cheveux sont ondulés. Les cheveux sont dorés. Les cheveux sont fauves. Les cheveux sont lisses. Les cheveux sont crépus. Les cheveux sont touffus. Le front. Le front est étroit. Le front est large. Le front est bombé. Le front est aplati. Les yeux. Il a les yeux flamboyants. Il a les yeux enfoncés. Il a les yeux vifs. Il a les yeux étincelants. Il a les yeux cernés. Il a les yeux tombants. Il a les yeux larmoyants. Il a les yeux bridés. Les paupières sont tombantes. Les sourcils sont épais. Les sourcils fins. Le nez. Le nez est retroussé. Le nez est camus. Le nez est en bec d'aigle. Le nez est crochu. Le nez est arqué. La bouche. La bouche est mince. La bouche est charnue. La bouche est épaisse. La bouche est souriante. La bouche est entrouverte. Les joues. Les joues sont pommettes. Les joues sont creusées. Les joues sont joufflues. Les joues sont saillantes. Le menton. Le menton est rond. Le menton est carré. Le menton est pointu. Le menton est en galoche. Les membres. Les épaules. Les épaules sont larges. Les épaules sont étroites. Les épaules sont carrées. Les mains. Il a les mains douces. Il a les mains fines. Il a les mains massives. Il a les mains musclées. Il a les mains ridées.